89.5. Une mardi sur 2 à 21h. Et aussi sur radiorageuse.net. Une semaine à nouveau sous beaucoup de brouillard, un brouillard cérébral qui s'installe depuis plusieurs jours. En cause, le manque de sommeil par exemple, ou encore une vague successive de Covid apportant une forte humidité qui laisse s'installer une brume épaisse et constante. Dans ma chambre c'est la brume, ils me disent instable. Mais je me sens mieux ici que sur un piédestal. On n'aime pas pour de vrai quand on aime sur. Dehors ça l'air Rihanna, mais dans ma tête c'est la brume. Pendant plusieurs jours, vous aurez des difficultés à y voir clair, le trouble peut persister, et trouver le sens de la vie avec si peu de visibilité risque d'être carrément compliqué. Un brouillard est en effet un nuage qui réduit la visibilité à moins d'un kilomètre et dont la base touche le sol. Pour peu que cette grisaille soit accompagnée de grésilles, vous risquez un brouillard cérébral givrant, occasionnant l'immobilité de certains neurones, la difficulté à trouver vos mots et possiblement de glisser sur une pente émotionnelle éprouvante. When as I walk through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've... Mais soyez rassurés. Puisque ce mardi est annoncé un vent de folie à partir de 21h. Vent qui viendra chasser les nuages, laissant la place au soleil et à la douceur avec un ressenti plus agréable pour les régions télencéphales, avec le lobe temporal ou occipital par exemple, mais aussi diencéphales, avec l'hypophyse ou l'hypothalamus entre autres. Alors, accrochez-vous à vos canapés, ça va souffler. Et bienvenue! Rebonsoir! À Comme un ouragan! Bonsoir! Bonsoir! Et avec son nouveau générique! Ouais, et cet petit cadeau d'une camarade, merci beaucoup que vous avez écouté ce petit montage brouillardeuse. Ce petit montage brouillardeux, ça a l'air pas mal. Ouais. Et ça faisait une intro parfaite à notre émission de rentrée 2022, qu'on est tout excité. On dit merci à Micro Féroce, c'est ça ? Ouais, voilà. Ouais, merci, ouais, hein. Micro Féroce. Merci beaucoup, Micro Féroce. J'ai écouté Micro Féroce, une super émission musicale. Et alors, pourquoi une émission sur le brouillard ? Pourquoi une émission sur le brouillard ? C'est une très très bonne question. Alors, ça a commencé, de ce que je me rappelle, en voiture, pour lors de notre voyage pour aller en résidence radio, pour préparer notre prochaine année radio, et on allait à Rochetaillé. Et oui, parce que comme un ouragan, voyage. Ouais. Bon, Rochetaillé, ça touche Saint-Etienne quand même, c'était pas un très long voyage. Et on tchatchait comme ça, de manière un peu officieuse, de quoi on avait envie de tchatcher dans la radio. Et une personne a dit, si on faisait une émission sur le brouillard, parce qu'en fait, il y avait du brouillard à Roche-Taillée. Il faut quand même dire, j'ai très envie de dire que c'était à Roche-Taillée, c'était pas vraiment à Saint-Étienne, parce qu'à Saint-Étienne, c'est quand même, il n'y a presque pas de brouillard. C'est à Roche-Taillée où il y a beaucoup de brouillard. Oui, ouais. Le fameux microclimat de Roche-Taillée, alors que Saint-Étienne est en permanence dans le beau, finalement. Oui, oui. Mais j'ai appris quelques jours après, en annonçant à un pote qu'on allait faire une émission sur le brouillard, que c'était né, en fait, d'une de ces blagues... Non ? Alors, je vois des regards étonnés dans le studio. Mais du coup, le pote en question avait proposé de parler du brouillard. Ouais. Ouais, c'est ça, hein ? Ouais, ouais, si, moi je confirme. Ouais. Et je pense que s'il y a eu du brouillard à Roche-Taillée, c'était un peu un signe qu'il fallait se lancer là-dedans. C'est ça. Ouais. Et finalement, ça nous a quand même pas mal inspiré, hein. En montage sonore allant de 3 secondes à 6 minutes 12 finalement. Et puis ouais, on s'est dit que ça c'est ça, comme le très beau poème que tu as écrit. Et finalement, le brouillard, c'est brouillard dehors, mais aussi brouillard dedans. Voilà. Voilà. Et on l'a oublié, en fait, et je ne peux pas le citer par cœur, mais on a beaucoup de brouillard dans nos têtes. Souvent, alors on voulait vous faire participer, mais bien évidemment aussi des infos un peu sérieuses sur les brouillards. Ouais, tu vas nous raconter des Moi, je vais raconter des histoires très, très, très, très sérieuses et historiques et tout ça, historique. Ouais. Mais avant ça, j'ai envie de vous faire part d'une petite création sonore lors de ce week-end radio. Eh ben, go yeah. Qu'est-ce que tu fais, Diane ? Bah, il y a du brouillard, je vais faire un feu dans le poêle. Comme un ouragan, l'émission qui te désembrume. Bah, moi, je trouve ça super, mais je vois bien que personne n'a compris cette... Moi, je trouve que le brouillard nous inspire, en tout cas. C'est ça. Mais d'ailleurs, moi j'ai une première question en fait, mais c'est quoi ? C'est quoi le brouillard ? C'est quoi exactement ? Ah oui, moi je veux une explication scientifique. Ouais. On adore jouer aux petits scientifiques. Est-ce qu'il y a une personne qui peut répondre à cette question ? On a un petit son. Ah cool ! Enfin, une science scientifique. Oui. C'est le brouillard. John Carpenter's The Fog. This is K.A.B. Antonio Bay. Stevie Wayne here. And let me be the first to wish Antonio Bay a happy birthday. We're 100 years old today. And keep a watch out for that fog bank heading in from the east. 100 years ago, between midnight and one, something unknown came out of the fog. Now it has returned. Oh, Jesus. La brouillasse, le brouillon, la bruine, la brumasse, la brume, le smog. Ce phénomène météo qui crée des ambiances plutôt étranges, souvent utilisé d'ailleurs dans les films d'horreur ou de suspense pour nous tenir en alerte. Mais qu'est-ce que le brouillard ? Allons creuser un peu. Si on ouvre un dictionnaire, on tombe sur plusieurs définitions. Le brouillard, ça peut être un nuage stratifié, stratus, reposant sur la surface du sol, presque toujours par temps calme, formé de gouttelettes d'eau liquide pleine. Le brouillard, ça peut être aussi un trouble qui affecte la vue. Et enfin, ce sont aussi des très petites fleurs vendues par les fleuristes en général pour accompagner d'autres fleurs. Leur nom scientifique, gypsophile. Et il y a aussi la fameuse expression « être dans le brouillard », avoir des pensées confuses, ne pas voir clairement la situation. Mais là, dans un premier temps, dans Comme un ouragan, on va s'attarder plutôt sur le phénomène météorologique. Regardez ça. C'est quoi, papa ? Du brouillard. Sur le lac ? Ça arrive parfois, c'est pas nouveau. Qui descend de la montagne comme ça ? Deux masses d'air qui se croisent. Après un orage, c'est possible, j'imagine. T'es sûr ? Oh, je suis pas expert en météo. Merci, mais tu nous avances pas beaucoup, là. Nous non plus, on n'est pas des experts et des expertes en météo, mais on va quand même essayer de vous expliquer comment se forme le brouillard. Le brouillard survient généralement dans les vallées, les forêts, les zones marécageuses ou les zones côtières, tout simplement parce que ce sont des régions humides. Un brouillard est un nuage qui réduit la visibilité à moins d'un kilomètre, et dont la base touche le sol. Pour qu'il se forme, il faut justement beaucoup d'humidité dans l'air. À partir de là, la vapeur d'eau se condense pour lui donner naissance. Plusieurs éléments favorisent ce phénomène de condensation. Des températures basses, un taux d'humidité élevé, la présence de particules microscopiques, solides ou liquides en suspension dans l'atmosphère. Ce qu'on appelle les noyaux de condensation. À leur contact, la vapeur d'eau se condense et des gouttelettes d'eau s'y fixent, s'accumulant pour former progressivement un brouillard. L'automne est donc la saison la plus favorable à la formation du brouillard. On assiste au premier refroidissement important, souvent associé à des passages perturbés qui alternent avec des périodes anticycloniques, en gros des alternances de pluie et de soleil. Il existe plusieurs processus par lesquels la vapeur d'eau se condense près du sol, et du coup plusieurs types de brouillard. Le brouillard de rayonnement, il se forme par refroidissement nocturne de la surface terrestre, par rayonnement, généralement en fin de nuit. Ce brouillard se dissipe en matinée quand les températures remontent. Le brouillard d'advection, il se forme lorsqu'une masse d'air chaud et humide se déplace sur une surface relativement froide. À son contact, la base de cette masse d'air se refroidit et ce refroidissement se propage sur une certaine épaisseur, entraînant la condensation de la vapeur d'eau en minuscules gouttelettes. Enfin, le brouillard d'évaporation. Dans un environnement humide, l'eau s'évapore naturellement. L'air devient alors saturé en humidité et cette eau n'a pas d'autre choix que de se condenser pour former un brouillard. C'est le cas dans une forêt détrempée par exemple, ou dans les mers chaudes et humides. Et la brume alors ? Quelle est la différence entre le brouillard et la brume ? Alors la brume et le brouillard sont un seul et même phénomène. La seule différence est qu'on parle de brume quand la visibilité est comprise entre 1 et 5 km et de brouillard quand la visibilité est inférieure à 1 km. Et pour que brume et brouillard disparaissent, il suffit que l'atmosphère se réchauffe ou si la brume ou le brouillard sont balayés par un coup de vent. I think I'll go to Vancouver now. Where's the fog now? It should be right outside my door now. Oh, there's something different about this fog. Dan, stay away from the door! Someone listen to me! Get inside and lock your doors. Close your windows. There's something in the fog. Stay away from the fog. The fog. What you can't see won't hurt you. It will kill you. Du coup, on a... Ben, déjà, merci beaucoup pour cette très belle explication. Et on a bien compris que le brouillard, fallait essayer de s'en tenir loin quand il est en dehors de nous. Des fois, le brouillard, il est aussi à l'intérieur de nous. Tout à fait. Y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on peut avoir du brouillard dans la tête. Une des explications aussi là qu'on pouvait soulever, c'était quand des fois, par exemple, on a la gueule de bois. Mais alors, Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la gueule de bois ? Alors, après de longues recherches internet, finalement assez peu productive, peut-être que j'étais un peu dans le brouillard au moment où je les ai fait, j'en ai quand même retenu deux, trois notions qui sont que il n'y a pas d'explication scientifique claire de la gueule de bois, déjà. C'est vrai ? Non, pas d'explication claire. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est quand même que l'alcool produit une substance à l'intérieur du corps, qui vient venir bloquer un récepteur à l'intérieur du cerveau, qui va faire qu'on va, en gros, ça va bloquer une substance qui fait que, normalement, on ne va pas tout le temps pisser pour garder l'eau à l'intérieur de nous. Et là, vu que c'est bloqué, et bah, du coup, on a un phénomène qui fait qu'on va beaucoup, beaucoup plus aller aux toilettes que si on n'avait pas bu d'alcool. Est-ce que c'est comme la pluie après le brouillard ? C'est exactement ça. Ouais, c'est une forme de déshydratation, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça peut engendrer effectivement une déshydratation. D'où l'intérêt de bien s'hydrater quand on boit de l'alcool. Parce que la déshydratation, le corps va pas être très content. Et du coup, pour se venger, va faire un espèce de phénomène de rétrécissement et de pression sur le cerveau pour se dire « Ah, je suis déshydraté, il faut que je boive ». Voilà, mais c'est pas tout à fait ça la gueule de bois, ça c'est plutôt la déshydratation qui l'accompagne, mais voilà. Et sinon, il y a aussi que l'alcool, ça perturbe pas mal la régulation du sucre à l'intérieur du sang, et que du coup on va être beaucoup plus facilement en hypoglycémie, ça veut dire manquer de sucre dans le sang, et que quand on est en hypoglycémie aussi, on est tout ralenti et tout mou. D'où l'intérêt, quand on boit de l'alcool, de bien manger aussi. Waouh. C'est bien de savoir. Ouais, ouais. Bon conseil. Il y a une émission où on apprend vraiment plein de trucs aujourd'hui. Ouais. J'espère que nos auditeurs retiendront ces conseils. Voilà, boire de l'eau, manger des pâtes quand on picole. Mais là-dessus, après toutes ces explications scientifiques, on peut peut-être enchaîner sur la première chanson de oui. L'émission. Une chanson qui a été composée spécialement pour cette émission, je crois. Absolument. C'est ma petite sœur qui est une grande artiste et qui était là ce week-end et qui savait qu'on allait faire une émission sur le brouillard et qui du coup a choisi de mettre en son un poème écrit par une poétesse irlandaise qui parle du brouillard, un poème de la fin du 19e siècle. J'ai envie de dire merci parce qu'il faut quand même dire que j'ai demandé à ta petite sœur, finalement, si elle ne veut pas faire une chanson sur le brouillard. Et c'était en 10 minutes, c'était fait. Ça m'a beaucoup impressionnée. Merci beaucoup. Et voilà. Ouais, très beau cadeau. Et en plus, elle nous écoute. Alors, gros big up, Loulou, et gros bisous. Et on enchaîne. Puisqu'il est maintenant 21h27 sur Comme un ouragan, Radio Dio 89.5, l'émission sur le brouillard. Ouais. Une petite chronique. On va enchaîner avec une petite chronique que je n'ai pas eu le temps de terminer. Donc il faut savoir qu'il y aura une partie un peu improvisée. Voilà. Les brouillards que je rencontre sont variés. Et je suis encore en train de les rencontrer et de les apprivoiser justement. Il y en a des plus cotonneux et des plus collants que d'autres. et il y en a qui sont des petites brumes de passage. Certains s'accompagnent de 1000 pensées à l'heure, et d'autres d'aucune pensée particulière, et il y a juste des automatismes de la vie, du corps, qui s'enclenchent, tout ça. Et salut toi, t'es qui ? Moi, je suis la brume du réveil, le matin, quand t'as pas très bien dormi, ça va ? Ouais, ça va, mais bon, ça ira un peu mieux avec une petite chicorée café et puis de la musique. Bah, du coup, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Hein. Allez, à la prochaine. Ok, ciao, tantôt. Et toi, là ? T'es qui ? Bah... Moi, je suis là, mais je suis pas sûre de vouloir être là. Tu sais, t'as commencé à prendre des trucs, des petits cachets, là, la paroxétine. C'est censé t'aider à ne plus être en dépression. Et bah, vu que ça fait pas longtemps que tu les as commencés, bah, je l'accompagne, quoi. J'accompagne ce traitement. Ah ouais, super. Et ça va durer longtemps, ce truc-là ? Bah, je sais pas, on verra. Ouais, bah, ce serait bien que ça dure pas trop longtemps, parce que... Parce que c'est chiant, quoi. C'est troublant. Puis des fois, il y a le brouillard. Pas des antidépresseurs, mais de la dépression. Juste... tu sais pas pourquoi, tu sais pas grand-chose de rien. T'essaies de faire des trucs. De te faire à manger, de te lever de ton lit. Mais bon, ça colle et puis des fois tu sors pas de ton lit. T'as des petits comebacks du brouillard ou de la brume des médicaments parce que bah, des fois t'oublies de les prendre. Alors ils reviennent comme ça, 2 ou 3 jours. Bon, bah, tu commences à connaître, alors tu fais avec. Et puis dans certains cas, pas tout le temps, mais des fois, tu vois une petite lueur comme ça au milieu du brouillard, justement. Et puis, bah, c'est une pote ou une chanson ou un truc que tu vois dans la vie. Et puis hop, bah, c'est le petit coup de vent, comme on a entendu tout à l'heure, qui fait que le brouillard, il se dissipe un peu. Et que tu commences à percevoir le soleil. Voilà, c'est fini. Bah, je vais enchaîner avec une autre petite chronique. Sous des morsures aveugles, la lumière agonise. Le jour mis en pièces cicatrise sous les cendres, des nuits illuminées, éclaboussées des cris, d'ombres sauvages traqués qui se laissent prendre, douce uniformité, très noire sur nos regards. De formes émoussées, fondues dans ce brouillard définitif. Les lendemains planifiés, nos souvenirs inutiles, le temps figé s'est résigné à hurler présent. La musique psychiatrique, tranxène, neuroleptique, s'infiltre en toi, guide tes pas, droit devant. Les règles sont fixées, un triangle sur nos rêves, le décor est stressé, déformé dans ce brouillard définitif. La guérilla urbaine pour s'extirper des sangles accentue la pression de l'ordre sur nos vies. Ces gestes détournés, à la fin, nous étranglent, implantent la peur dans nos pupilles rétrécies. Nous sommes sous influence, il n'y a pas d'issue. Des larves sans défense rejoignent les chiens dans le brouillard définitif. C'est des extraits du morceau Final Fog du groupe René Marquitzed. C'est sorti en 1980 sur l'album Rue de Fiam. Et moi, j'avais envie de commencer cette chronique par ces paroles parce que c'est un morceau que j'ai beaucoup écouté dans des moments où j'étais bien dans le brouillard. Avoir la tête dans le brouillard, définitif, ponctuel ou prolongé, de manière volontaire ou juste un effet secondaire. Il y a plein de façons différentes de se retrouver avec ce sentiment d'avoir le cerveau comme embrouillé. J'ai l'impression de bien connaître cette sensation. D'abord, j'ai expérimenté de manière tout à fait volontaire, plein de drogues et d'alcool, pour échapper de façon ponctuelle et éphémère à la réalité de ce monde. On y prend goût, puis prise au piège, s'enfoncer dans les addictions. Ensuite, l'impression de passer plusieurs années en permanence dans le brouillard, du matin jusqu'au soir. Effet secondaire, quel drôle de terme, n'est-ce pas ? Du Xanax et autres anxiolytiques. Aujourd'hui encore, cette sensation au réveil quand je craque après plusieurs nuits d'insomnie et que je replonge pour quelques jours dans l'univers des benzodiazépines. Ça pourrait ressembler aux effets de la gueule de bois, mais non, c'est un état quand même assez différent que je n'arriverai pas vraiment à décrire. Et puis, depuis quelque temps, une nouvelle manière d'avoir la tête dans le brouillard est apparue pour moi. Un deuil compliqué, cette période de Covid qui n'en finit plus, et les périodes d'isolement qui vont avec. La montée du fascisme, le capitalisme qui ne s'écroule jamais complètement, un sentiment d'impuissance. La fatigue un peu permanente, ne plus savoir où trouver un peu d'espoir, de force, de rage. Ressombrer dans les angoisses et dans l'alcool, parce que ça soulage quand même un peu sur le moment. Retour dans une autre forme de brouillard. Mais s'accrocher encore et toujours, renforcer des liens et des solidarités et refuser que ce brouillard devienne définitif. Oh. Bah, merci beaucoup hein, pour ces chroniques. Et puis, rage, courage et du vent partout, quoi, dans nos têtes et en dehors. Et des ouragans. Et des ouragans. Des ouragans et des tempêtes. Et des ouragans contre ces brouillards, carrément. Bon, je vais continuer un peu sur le brouillard toxique. Je le dis brouillard toxique dans l'histoire, parce que j'ai eu envie de vous raconter quelques exemples de brouillard toxique qui étaient un peu comme même un peu des catastrophes, finalement, aussi. Et alors, je vous donne quelques exemples de cette brouillard. Là, on est dans l'année 1930, assista à une catastrophe industrielle survenant aux portes de la France, au sein de la vallée de la Meuse et à quelques kilomètres de Liège en Belgique. Un nuage de fumée acide s'échappe des usines à zinc de la région, causant des pertes animales et humaines en raison de conditions climatiques favorisant son action nocive. L'occasion pour les autorités d'afficher leur volonté de mettre un terme à l'exposition de la population et de leurs dangers. Dans les premiers jours de décembre 1930, une étrange épidémie s'abattait dans la vallée de la Meuse, à Angis en particulier, à 17 km de Liège, en même temps qu'un brouillard épais obscurcissait la région. Plus de 60 décès et 200 malades, et une véritable hécatombe de bataille. Aussitôt, les suppositions des échafaudés ont voulu incriminer les émanations des usines à zinc proches d'Angis, mais elles chômaient depuis plusieurs jours. En réalité, la catastrophe était due à des causes complexes. Les premiers jours de décembre, en régime anticyclonique, pression atmosphérique élevée et faible vent favorisaient la production de brouillard et sa persistance au-dessus de la vallée de la Meuse. Cette production était d'autre part facilitée par des poussières de fumée d'innombrables usines. Poussières qui formaient noyées de condensation pour la vapeur saturante de l'atmosphère. Un brouillard très dense se forma et persista quelques jours, d'où une première action nocive sur les voies respiratoires supérieures de nombreux habitants. D'autre part, les fumées se refroidirent et, au lieu de s'élever verticalement, s'étalèrent en nappes qui, en l'absence de vent, transforment la vallée de la Meuse en une sorte de vase clos qu'allait remplir de plus en plus de fumées provenant aussi bien des usines que des foyers domestiques. Or, dans ces fumées s'est trouvé de l'acide sulfureux produit par la combustion de la houille qui contient du soufre. En présence des gouttelettes d'eau, du brouillard et de l'oxygène de l'air, cet acide sulfureux se transforma en acide sulfurique, dont tout le monde connaît l'action irritante et caustique. Sous l'action simultanée de ces différents facteurs, les personnes les moins robustes succombèrent. Le vent dispersa ensuite le brouillard et l'air contaminé. Certes, des circonstances atmosphériques exceptionnelles et en particulier l'absence du tout vent ont permis ces drames. Mais en concluent les experts commis par le parquet belge, si les mêmes conditions météorologiques se représentaient au moins pendant la même durée et sous les mêmes conditions d'activité des usines, il est à prévoir que les mêmes accidents se reproduiraient dans la vallée de la Meuse. Voilà qui est peu réconfortant. Il est vrai que des recommandations ont été faites après les travaux de la commission gouvernementale nommée à la suite de la catastrophe. Il a été décidé, en particulier, que le bourgmestre fera ralentir les usines les jours de brouillard et que les stations météorologiques avertiraient les gens âgés ou délicats de rester chez eux quand les conditions météorologiques avertiraient. Ah, pas du tout. Quand les conditions météorologiques seront trop défavorables. L'alerte météo est née. Mais Jacques Pilpoul s'interroge. La véritable solution n'est-elle pas d'empêcher les émissions de fumée, au moins en partie? Très bonne question. Non? Oui, très bonne question. Après, quand même, dans à peu près 28... À peu près 28 années après, il se repasse quand même d'autres choses, mais un peu pareil à Londres. Et là, quand même, c'est pas seulement 600, ou je sais pas comment on dit, 600 morts, c'est quand même 12 000 londoniens morts après le passage de Big Smoke. Time is 8 o'clock on the 6th of December, and here is the news. London has been brought to a halt by dense fog, which has descended overnight. Long queues are formed on main roads. Bonjour. Nous sommes le 8 décembre, il est 8 heures du matin, et voici le journal. La nappe d'épais brouillard qui, depuis deux jours, paralyse notre capitale désemparée devant cette catastrophe, s'est encore épaissie durant la nuit. Le chauffage au charbon et les centrales électriques de Battersea et de Fulham auraient pu réduire leurs émissions de dioxyde de soufre de leurs cheminées, mais nous nous sommes laissés dire que ça n'aurait pas eu d'effet significatif sur la qualité de l'air. Le gouvernement devrait faire une déclaration à ce sujet demain soir. C'était le brouillard toxique. Big Smoke de Londres était en train de nous raconter ce qui s'est passé dans la Meuse en 1930 et tu nous disais que quelques années plus tard, à Londres, rebelote. Là, nous sommes le vendredi 5 décembre 1952, quelques mois après l'accession au trône d'Elisabeth II. Un brouillard dense envahit les rues de Londres. Au début, personne ne s'inquiète. Il faut dire que les Londoniens sont habitués, comme le Stéphanois finalement. Mais au fur et à mesure que les jours passent, les brouillards persistent et se répand à une allure folle. La visibilité est réduite à seulement quelques mètres. C'est le chaos, circulation impossible, transport en commun hors service, ciel totalement noir. Les hôpitaux sont envahis, on compte jusqu'à 150 000 personnes hospitalisées. Ce cauchemar durait 5 jours au cours duquel 4 000 personnes décéderont, puis on apprendra bien plus tard qu'il s'agit en réalité de 12 000 au total, donc la majorité sont victimes d'infections respiratoires. Cet épisode est considéré comme le pire de toute l'histoire de l'Europe et la cause de cette catastrophe est restée mystérieuse jusqu'à ce qu'une équipe de scientifiques en découvre l'origine. Les usines. Comment est arrivée cette catastrophe? Il faut revenir à la veille de l'incident. Un anticyclone s'installe sur Londres. Il n'y a pas de vent. Conséquence, les températures chutent et les habitants se chauffent avec leurs poêles à charbon. Ajoutez à cela les centrales électriques qui fonctionnent elles aussi au charbon et qui tournent à plein régime. Cela entraîne une augmentation du niveau de pollution et c'est là qu'apparaît le Big Smoke. Un seul responsable, le dioxyde d'azote. Pour comprendre le phénomène, il faut regarder la combinaison toxique entre le charbon contenant du soufre qui augmente la quantité de dioxyde de soufre dans la fumée des cheminées associée à l'anticyclone qui ne permet pas aux polluants de se disperser. Les chercheuses ont étudié le processus chimique responsable de ces brouillards tueurs. D'après les résultats de leur étude publiée sur le site Proceedings of National Academy of Science, le responsable n'est autre que le dioxyde d'azote issu de la combustion du charbon. Une fois mélangé au dioxyde de soufre, il va créer un acide sulfurique et le brouillard en question. La clé pour réduire la pollution de l'air? De leur découverte, les scientifiques expliquent que ce qui s'est passé à Londres en 1952 est la même chose qui se déroule dans les pays actuellement pollués, notamment en Chine. Les résultats de cette étude ont à la fois un intérêt historique pour comprendre l'origine du Big Smoke de Londres, mais également une clé pour comprendre la présence des particules fines dans les villes les plus polluées de la planète. Il s'agit du même processus qu'en 1952, sauf qu'aujourd'hui, en plus de dioxyde de soufre de d'azote, il faut ajouter l'ammoniac qui provient de l'utilisation des engrais et des véhicules en circulation. Ainsi, la solution pour limiter la pollution sera donc de réduire les émissions d'ammoniac et de dioxyde d'azote, ce qui pourrait grandement améliorer la qualité de l'air. Alors, nous, on a l'impression, c'est plutôt aussi, c'était une solution de se débarrasser des productions, entre guillemets, sales. On laisse alors produire ailleurs pour devenir une des pays évalués avec des bonnes notes au climat pour mieux respirer. Et alors, ça fait que dans certains pays, celles qui font la production pour que nous, on respire bien propre, la pollution s'accumule. Et ça donne des petites nouvelles comme ça. Par exemple, en 2015, alerte pollution de l'air record. Une brume opaque, lourde à respirer, est tombée depuis plusieurs jours sur la région des plaines du nord de l'Inde et jusqu'à Pakistan voisin, menaçant la santé des dizaines de millions d'habitants des mégalopoles de New Delhi et Lahore. Pour une exposition durable, sa toxicité est semblable à celle de 2 paquets de cigarettes par jour, d'après des experts. Les fautifs sont signalés en rouge à l'imagerie thermique. Aux habituelles émissions industrielles peu ou pas contrôlées, s'ajoutent des bruits agricoles massifs côté indien. Le tout combiné à une météo humide sans vent qui produit ces cocktails toxiques où lesquels poulons ne se dispensent pas. Ou le 22 décembre 2016, à Shijiazhuang, est connue pour ses usines pharmaceutiques et textiles, source majeure de pollution. mais l'origine la plus probable du recensement que sont les aciers et les mines du charbon des Hebei, la province qui entoure Pékin. Il y a plein d'exemples, des infos pareilles. Parce que, comme on a parlé là des brouillards toxiques, un peu l'explication, c'est que les émissions des gaz dans les grandes villes ont tendance à créer un immense brouillard. En effet, en l'absence de vent, les gaz ont tendance à se maintenir au sol à cause des particules d'eau, humidité, qui bloquent en partie le passage des gaz vers le ciel. Les quantités de gaz s'accumulent jusqu'à former un brouillard toxique qui est le smog. Le smog peut être confondu avec la brume sèche, qui est la dispersion de poussière dans l'atmosphère, donnant au ciel une couleur jaunâtre. Le brouillard est non seulement une véritable source de difficultés pour se déplacer, mais le brouillard facilite la transmission des maladies, encore plus facilement que par temps de pluie, car le brouillard forme un couvercle qui empêche les maladies de se diriger vers le ciel. De plus, le brouillard poumonaire provoque des crises d'asthme chez les personnes sensibles. Enfin, il suffit que le vent se lève et que la température grimpe pour que l'on ne parle plus de brouillard. Après, il y a d'autres exemples comment des brouillards toxiques se produisent. Par exemple, il y a des volcans. Il y a un exemple que j'ai trouvé, moi je ne savais pas que ça s'est passé, mais j'ai trouvé un exemple qui était le 8 juin 1783. Une fissure de 25 km s'ouvre au sud-est du plus important glacier d'Islande, le Vatnajökull, dans le système volcanique du Laki. D'énormes fontaines d'une lave très fluide surgissent tout au long. Sous l'effet du vent, les gouttes de lave s'étirent. La coulée dure 8 mois. Elle recouvre 565 km². En tout, la fissure émet 12,3 km³ de lave, une quantité gigantesque qui fait de l'événement islandais le plus important épanchement de toute l'histoire volcanologique. Les cendres sont éjectées en plus faible quantité, mais ce sont les gaz magmatiques émis qui font de cette éruption l'une des plus lourdes conséquences. 20 millions de tonnes de gaz carbonique et 25 millions de tonnes de soufre s'échappent des cratères. Sur l'île, les trois quarts du cheptel s'en anéantissent. Une famine générale s'ensuit, important plus que 10 000 personnes, soit près d'un tiers de la population. L'événement a des répercussions sur le climat du continent durant toute l'année 1783. Les gaz relâchés s'installent en effet dans la troposphère où circulent les pluies, les nuages et les vents de surface. Or, cet été-là, un front de haute pression anormalement installé au nord-est de l'Europe attire le brouillard volcanique sur le continent. Un nuage toxique se met à voyager au-dessus de la Scandinave, plus de l'Allemagne, de la France et d'Italie. Fin juin, sa présence est notée à Lisbonne, à Londres, à Moscou et jusqu'en Syrie. Il est sûr en tout cas que 1783 enregistre une surmortalité de plus de 30% en Angleterre, 50% dans certaines régions françaises. Aujourd'hui, une extrapolation démographique située autour de 160 000 des décès imputables au volcan Laki. On vous propose d'écouter Toxicity de System of a Down avant de reprendre sur les volcans et les incendies et d'autres brouillards toxiques. Yes! We'll be right back. Vision software version 7.0. Looking at life through the eyes of a tire hub. Eating seeds is a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. City of our city, of our city. Essayer de chanter aussi le texte, mais je n'arrive pas, je crois, parce que j'adore merci. Cette chanson. Mais je vais oh, les incendies. Parce que je vais vous reparler en fait de brouillard toxique, parce qu'on n'a pas du tout fini hein, en fait de mes textes historiques scientifiques. Alors je vais vous parler des incendies pour donner un exemple aussi de brouillard toxique. On peut avoir après des incendies, comme par exemple en 2019, incendie en Australie. Un nuage toxique enveloppe la capitale à cause des incendies. Un brouillard lié aux feux qui ont envahi les capitales et l'est du pays depuis 3 mois. Ils ont doré et déjà détruit plus de 700 maisons et tué 6 personnes. C'est l'inquiétude à Canberra, où s'éteint dans les ciels un nuage toxique de fumée, alors que les pompiers luttaient contre les 140 feux de brousse qui pourraient être alimentés en début de semaine par une forte vague de chaleur. L'Est de l'Australie connaît en effet depuis 3 mois des incendies particulièrement dévasteurs, conséquence, selon les scientifiques, d'une sécheresse prolongée et du réchauffement climatique. À leur réveil dimanche matin, les habitants de Canberra ont constaté qu'un brouillard toxique lié au incendie avait envahi la capitale, un phénomène que Sydney a récemment connu durant plusieurs semaines. Après le dernier phénomène de brouillard toxique, on voulait vous parler de s'il y a par exemple des accidents dans les usines différentes. Je pourrais faire une long article des histoires sur un podcast de 150 heures. Voilà. Les accidents des usines. Voilà, je suis gentille, je vais faire seulement un exemple. Et ça va être un exemple qui date pas de très longtemps. En fait, c'était en 2019, je vais vous lire. Il y aurait de quoi s'inquiéter, un peu, mais pas trop. On peut difficilement être plus explicite. Jeudi 26 septembre 2019, à l'heure où l'incendie de l'usine Lubrizol embrassait le ciel de Rouen, de Rouen, et envenimait une atmosphère délétère, le site 20 minutes FR diffusait une information qui clarifiait notre horizon. Ce nuage de fumée, un peu toxique, mais pas trop, qui traversait les eaux de France. Ce titre résumait la position de la préfecture de Seine-Maritime. Un nuage odorant, mais sans toxique aiguille. Rien de plus, mais pas forcément rien de moins. A provoqué un énorme nuage de fumée noire. On a vu des images, hein, plus de 22 km de long. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est dangereux ? Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place, il a donné son avis. Oui, mais pas vraiment. Écoutez la réponse de Christophe Castaner. Comme tout panache de fumée, il porte en soi un certain nombre de particules, un certain nombre de produits qui peuvent être dangereux pour la santé, mais selon les premières analyses qui ont été réalisées dès cette nuit et qui sont poursuivies ce matin, il n'y a pas de dangerosité particulière, même si, nous le savons, l'inhalation des fumées présente en soi sa part de dangerosité. Bon, alors là, on a du mal à comprendre. C'est toxique, mais en fait, pas vraiment. Bon, qu'est-ce qui est vrai ? Et oui, c'est toxique, mais finalement, qu'est-ce qui est vrai dans tout ça ? Moi, j'ai l'impression que la conclusion, c'est quand même que dans ces histoires, enfin pas la conclusion parce qu'il y a plein de trucs à conclure bien évidemment, mais dans les brouillards toxiques, il y a quand même des gens qui ont choisi de produire ces industries et de polluer, et que oui, c'est sûr qu'il y a le coût du phénomène météorologique, mais qu'à la base, il y a aussi les patrons d'usines et les technocrates et les ingénieurs qui produisent ces usines qui favorisent tout ça. Bah, c'est pour ça que j'ai quand même envie de dire ou de souligner que j'ai dit à un moment que, en fait, là, quand on parle dans la radio et partout, beaucoup de climat, tout ça, et l'Europe, j'ai dit comme ça, on peut parler de la France qui s'est dit aussi, bon, nous, voilà, tout est propre, tout est super, tout ça. Et quand je dis seulement, on a bien aussi seulement bougé le truc de où... où la France, par exemple, fait toute leur production des trucs différents, et ça va alors polluer où ? Et après, en plus, te dire, ah, mais ces pays-là, ils font quand même beaucoup de pollution, alors c'est vraiment pas bien. Et on connaît bien ces petits jeux politiques, mais c'est quand même bien dégueulasse. Et du coup, quand on a préparé cette émission, moi je m'étais dit, ah tiens, aussi on est à Saint-Étienne, ça m'intéresserait de savoir s'il y a eu un brouillard toxique à Saint-Étienne. Du coup, j'ai tapé dans la barre de recherche d'Internet. Pip. J'ai donc tapé l'association de mots brouillard toxique Saint-Étienne. Et là, du coup, qu'est-ce qui est ressorti en première proposition ? Des posts, du coup, ça veut dire des petits encarts de forum, écrits par l'association des anciens élèves de l'école des mines. Ouh. Du coup, moi, je me suis dit, ah tiens, ah ouais, c'est pas mal. Parce que c'est vrai, qu'est-ce qu'ils en disent, finalement, l'école des mines, qui est, du coup, historiquement, une grande école qui a formé, du coup, des gens issus de la classe bourgeoise et dirigeante pour devenir des ingénieurs et des gens qui pensaient le bon fonctionnement, notamment des mines à Saint-Étienne, et qui est une école qui est toujours en activité, qui forme toujours des ingénieurs qui vont devenir dirigeants à différents endroits de l'État français, et aussi des dirigeants encore des mines à travers le monde. Parce que c'est vrai que je me suis aussi posé la question de « Ah, mais l'école des mines, est-ce qu'ils continuent vraiment à faire des trucs dans les mines ou c'est fini cette histoire-là et qu'ils font autre chose de trucs d'ingénieurs ?» Et ben non, ça continue à former des gens qui réfléchissent à la production des mines. Du coup, on imagine dans des intérêts avant tout capitalistes et de production et absolument pas dans l'intérêt des travailleurs ou de réduire justement la pollution. Du coup, je tape tout ça et je me dis, ah quand même, il y a toxique qui sort dans les postes de l'école des mines. Je me dis, ils vont peut-être parler des déchets toxiques et tout ça. Eh bien, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils appellent toxique, l'école des mines? Eh bien, c'est les relations humaines, grosso modo. Du coup, j'ai choisi 3 postes hein, où il y avait le mot toxique qui était dedans. Et du coup, c'est véridique. Je ne sais pas lequel est le plus dégueulasse entre les 3 que je vais vous lire. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a le mot toxique qui est dedans. Vous pouvez buzzer quand vous entendez le mot toxique. Et après, on pourra avoir un débat ou un jeu concours sur c'est qui le plus qu'on a envie d'aller mettre au milieu d'un brouillard toxique pour qu'il voit un peu ce que ça fait. Alors, le premier poste date de 2019. Du coup, toujours, je rappelle, sur le forum des anciens élèves de l'école des mines. Et ça s'appelle carrière 2. Trouver un job grâce au conseil de Steve Jobs. Bon, ça, il m'a fait un peu rire. Steve Jobs. Je trouvais que le titre était pas mal. Alors, je cite. Dans la recherche d'emploi, faire la chasse aux personnes toxiques, celles qui vous tireront vers le bas. Ne s'entourer que des meilleurs. C'est seulement en disant non que l'on peut se concentrer sur ce qui compte vraiment. Un copain qui retape sa maison, c'est non. Une cousine qui a besoin d'un coup de main pour démarrer son site internet, c'est non. La recherche d'emploi est un job à temps plein. Savoir dire non aux sollicitations et savoir dire non aux personnes toxiques, celles qui vous tireront vers le bas. Waouh. Voilà. Du coup, voilà, quand les ingénieurs de l'école des mines pensent à ce qui est toxique, c'est ça que ça produit. Surtout pas. Voilà, mais du coup, de la solidarité, il y en a, évidemment, au sein des anciens de l'école des mines, puisqu'on sait que la classe dirigeante et les bourgeois s'organisent entre eux pour faire des réseaux de solidarité très efficaces et conserver leur position de pouvoir. Un autre exemple, du coup, dans ce deuxième poste, qui est du coup pareil, qui doit être de 2021, voilà. Là, c'est du coup, pareil, je cite. La question se pose, 2. Que faire d'un réseau de mineurs? Alors attention, quand ils disent mineurs, c'est ingénieurs de l'école des mines. Alors, un réseau professionnel sert à trouver des êtres humains susceptibles de nous aider dans une démarche professionnelle. Trouver un emploi, des clients, des fournisseurs, des informations confidentielles, une source de financement, un marché, une combine, une idée, une faveur, etc. Réseauter n'a rien d'évident et se confronte à ce postulat toxique. En quoi ce parfait inconnu que je ne pourrais pas aider voudrait-il m'aider? Du coup, moi, j'ai dû relire plusieurs fois parce qu'en gros, le postulat toxique, c'est de se dire... Enfin, c'est en gros, c'est des gens qui ne connaissent pas la solidarité ou... Bon, bref. En tout cas, voilà. Du coup, c'était un exemple de qu'est-ce que c'est que de réseauter chez les ingénieurs puisqu'ils continuent. Pour résumer, il faut réseauter pour consolider son projet professionnel. Pour résumer, il s'agit de mettre sur papier un éventail de ses compétences et de ses désirs pour en déduire des scénarios de vente, de prestations, d'études et de recherches. Même vagues ou peu réalistes, ces premiers scénarios doivent être consolidés en se demandant qui va acheter, pourquoi et à quel prix, et ainsi solliciter les anciens de l'école des mines. Voilà. Bon. Le troisième. Je sais pas si c'est celui que je déteste le plus. Déjà les 2 premiers. Mais du coup, là, c'est du coup pareil. Il faut imaginer hein, que c'est des gens qui vont être les grands dirigeants dans des mines. Et du coup, ce à quoi notamment, ce qu'ils vont faire comme boulot, c'est faire bosser des gens dans des conditions de travail horribles, où il y a un taux de mortalité de ouf, etc., etc. Et du coup, évidemment, ils vont se confronter aussi potentiellement à de la révolte syndicale. Du coup, là, c'est un poste qui parle plutôt de comment faire face à ce poste de chef des mines, finalement. Du coup, ça s'appelle carrière, 2. Identifier les fonctionnements toxiques et développer un bon climat relationnel dans son organisation. Vous devez gérer des situations explosives, de l'agressivité offensive et défensive, de la souffrance émotionnelle. Vous avez affaire à des interlocuteurs qui vous donnent du fil à retordre et sont difficiles à gérer. Sous texte, les mineurs qui bossent dans les mines. Quel mécanisme sous-jacent à ces situations? Rapport de force, rapport émotionnel, surinvestissement. Apprenez à les repérer, à les gérer, à maîtriser chaque situation et devenez le manager serein, reconnu pour sa bienveillance et son efficacité. Wow. Oh my god. Voilà. Eh bien, merci. C'est dur de choisir lequel est le plus détestable, hein, vraiment. Mais du coup, voilà, mais du coup, vraiment, quand on recherche toxique, Saint-Étienne. C'est là-dessus que je suis tombée. Voilà. Du coup, c'est des gens vraiment qu'on pourrait mettre dans un brouillard toxique. Ouais. On peut se détendre en écoutant une petite virgule qui nous ramène à Rochetaillé. Oui. Oh oui. Nous sommes à Rochetaillé. Ah. On n'est plus dans le brouillard. Il ne se passe rien. Moi, j'ai envie d'écouter un autre morceau, non ? Sur le... C'est pas une chanson comme Brouillard, Bru... Ouais, une chanson ouais. Un peu qui fout la pêche de ouais. Quelqu'un qui a trop la classe, là. On va écouter ouais. Meryl, La Brume. Wouhou ! Collis sur la plume dans vos vies, je m'installe. Dans ma chambre, c'est la brume, ils me disent instable. Mais je me sens mieux ici que sur un piédestal. On n'aime pas pour de vrai quand on aime sur Insta. Oh, et oh, dans tout ça, je m'oublie. J'en perds les mots, c'est que tout est fini. Alors j'appelle mon alter ego. Il ne reste que lui, tu comprendras mieux sur les raisons. Pourquoi je serai ta Orsola Rihanna. Mais dans ma tête, c'est la brume. Des hommes sur l'instrumental. J'crois que je viens de la faire sourire et moi j'ai victoire. Elle me donne un océan d'amour, je ne suis qu'un nénuphar. J'écoute du Cabrel, j'écoute du Niska. Un bonheur à l'infini, j'en veux 2, 3, 4. Et raconte comme le monde, mais le monde est si étroit. Si je lui pardonne, est-ce que le chagrin s'efface? Ta hors la Rihanna. Mais dans ma tête, c'est la brume. C'est la brume. Pourquoi en faire des dunes? Et lui, on en a qu'une. Oh et oh, dans tout ça, je m'oublie. J'en perds les mots, c'est que tout est fini. Alors j'appelle mon alter ego. Il ne reste que lui, tu comprendras mieux sur les raisons. Pourquoi je serai. Oh et oh, dans tout ça, je m'oublie. J'en perds les mots, c'est que tout est fini. Alors j'appelle mon alter ego. Il ne reste que lui, tu comprendras mieux sur les raisons. Pourquoi je serai. Dans ma tête, c'est la brume. Pourquoi en faire des dunes? Et lui, on en a qu'une. Il y a souvent du brouillard comme ça en Bretagne? Oh non! Seulement quand il ne pleut pas. On est encore dans le brouillard, comme un ouragan Radio Lio à 22h10. Pour avoir l'idée qu'on va faire notre émission un peu plus long, mais tout ça en fait c'est exprès pour vous montrer qu'est-ce qui se passe qu'on est un peu dans le brouillard, souvent ouais. Un peu plus lente, ouais. On réfléchit pas très, on se trompe de route, très non. Efficace, ouais. Tout ça. On c'est part ça. Un peu dans tous les sens. Par exemple aussi, il y a quand même le brouillard, l'autre brouillard qui pique, le brouillard de lacrymo. Ah ouais. Ouais, on avait envie d'en dire un petit mot. Et je me suis dit, après avoir fait cette chronique terrible sur les anciens élèves de l'école des mines, je me suis dit, là, sur les brouillards de lacrymo, on pourrait parler des inventions de nos formidables camarades qui inventent tout le temps des tas de choses carrément trop cool, pour essayer de lutter contre le brouillard de lacrymo. Très bonne idée. Voilà. Alors, j'en ai sélectionné parce qu'il y en a plein. Autant de personnes dans un... Il y a autant de solutions que de personnes dans un brouillard de lacrymo. Mais il y en a des plus ou moins efficaces. Il y en a une que j'ai vue sur une vidéo, je me suis dit « Ah tiens, c'est vrai que j'ai jamais vu personne faire ça, mais finalement c'est pas mal. » le souffleur à feuilles, le truc que tu prends là pour faire dégager les feuilles mortes, et bah quand t'es face à un nuage, tu peux prendre, si tu viens avec un souffleur à feuilles en manif, souffler sur le nuage et faire partir le nuage dans une autre direction, éventuellement vers les personnes qui ont lancé le nuage sur toi, par exemple. C'est super. Pas le truc le plus pratique à mettre dans son sac à dos. Non, mais quand même, je trouvais que ça avait le mérite. Oui. De... Moi, j'ai un nouvel aspirateur Lidl qui fait souffleur. Faut se trimballer le générateur électrique. Non, mais en combinaison d'autres trucs, je me dis, bah oui, c'est vrai, finalement, un souffleur dans un brouillard, pourquoi pas. L'autre, c'est un... Alors, les deux autres, c'est des tutos sur YouTube qui sont bien faits avec des images et tout. Du coup, forcément, c'est plus simple avec les images. Mais en gros, il y en a un, c'est le piège à lacrymo. Le piège à lacrymo, son intérêt, c'est grosso modo de fabriquer un petit récipient dans lequel on va ramasser le palais de lacrymo, le mettre dans ce petit récipient qui est plein d'eau et qui a un espèce de clapet anti-retour de fumée au-dessus du récipient, et qui permet du coup d'éteindre le palais de lacrymo. Waouh! Ouais, c'est pas mal, c'est assez simple à fabriquer finalement. Il faut des petits récipients mobiles, fabriquer un petit clapet anti-retour, et on peut mettre le palais dedans et ça arrête la combustion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, et que ça a priori, c'est quand même moins incriminable que de ramasser un palais de lacrymo et de le renvoyer. Aussi, ça peut avoir un intérêt. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que on ne ramasse pas un palais de lacrymo à main nue, ni avec des petits gants en laine. Parce que un palais de lacrymo, du coup, c'est ce qui sort. Hein. Du coup, généralement, c'est tiré avec des lanceurs qui lancent une grenade, du coup, qui est un espèce de gros objet en plastique ovale. Et à l'intérieur, il y a des palais rangés dedans et qui explosent en l'air. Et ces palais-là, quand ils sont lâchés dans l'air, ils rentrent en autocombustion et ils libèrent le gaz. Ces palais, ils sont à 600 degrés, grosso modo. Du coup, il ne faut vraiment pas ramasser à main nue quand on les met dans le petit récipient plein d'eau qu'on a fabriqué avec le petit clapet anti-retour. Voilà, le piège à lacrymo. Et le souffleur. Et sinon, une technique pour fabriquer un masque à gaz qui filtre les gaz lacrymo. Ah, intéressant quand même, non ? Ouais. C'est comment alors ? Tu filtres une filtre à air ? Non ! Tu bouteille de coca et canette de coca pour les récipients principaux. Du coup, avec une bouteille de coca de 2 litres à peu près, tu découpes le haut. Du coup, tu gardes la forme allongée avec le goulot vers le bas, ce qui fait la forme un petit peu, là, vous voyez, allongée vers le bas là, du masque à gaz. Tu découpes un U sur la paroi de cette bouteille-là pour l'adapter à ton visage. Et en même temps, je fais des gestes à mes collègues du direct. Du coup, j'imagine pour les nous, auditeurs, c'est un peu plus compliqué. On comprend très bien avec tes gestes, ouais. Du coup, ça fait juste la forme qui va venir s'adapter au visage et qui va se finir par l'entonnoir avec le goulot au bout. Et en fait, ce goulot, il va venir dans une canette de coca qu'on aura ouvert en deux. Du coup, on a juste le fond de la canette de coca. Du coup, il y a le goulot qui va venir dedans. Le goulot de la bouteille en plastique. Et dans le fond de cette canette de coca, on fait des petits trous dans le fond pour que l'air passe, et on la remplit de charbon actif, du coup du charbon actif un peu pilé comme ça, puis on la bourre de coton, puis on vient faire venir tenir le goulot de la bouteille en plastique sur ça, et on fixe le tout avec des scotchs et des petits trucs pour pas que ça nous blesse le visage à cause du plastique qu'on a découpé, et a priori ça fait quelque chose d'assez filtrant et efficace. Est-ce que tu fais pas la pub pour du coca, là ? On boit 2 litres de coca plus une canette de coca. Ouais. Moi, j'ai rien contre, mais je trouve ça un peu... Voilà. Tu as d'autres solutions ou... Non, bah okay. Non, j'ai dit 3. C'est pas super. Mal. Voilà. Mais alors, moi, je pense que c'est des petits tuyaux qu'on pourrait aussi donner aux braqueurs, braqueuses, cambrioleurs, cambrioleuses, parce que moi, dans mes recherches, aussi sur Internet, là, je me suis rendu compte que le brouillard, c'était devenu un sacré business aussi pour tous les vendeurs et les entreprises qui vendent des alarmes et des systèmes de sécurité pour les commerces, mais aussi pour les particuliers. Oh. Ouais, ça a l'air d'être un peu le nouveau truc à la mode, d'avoir un truc qui détecte les mouvements dans ta maison, ton commerce ou ton garage, et qui te balance une grosse fumée de brouillard là. Du coup, je pense le masque à gaz en canette de coca. Ou le souffleur à feuilles. Ou le pareil, pas très pratique. Ça fait que tu repars avec moins de choses, quoi. Ouais. Mais après, on a quand même, parce qu'on a quand même réfléchi jusqu'au bout du brouillard. Ouais. Et si on pense au brouillard, on pense bien évidemment au feu de brouillard. Évidemment. Et comme c'est quand même très difficile à s'imaginer à quoi ça sert le feu de brouillard, moi, franchement, depuis toute ma vie, je me pose cette question. Comment et pourquoi utiliser et comment ça marche, en fait, le feu de brouillard. Alors, on a demandé à des spécialistes. Et vraiment des spécialistes. Des spécialistes mécaniciennes. Mais en fait, on met quand le feu de brouillard. Prenez un calepin, un stylo, quoi. Parce que c'est un peu compliqué. Toutes les explications seront écrites sur le site, hein, si vous n'avez pas tout compris. Et vous pourrez réécouter en podcast aussi, si vous n'avez pas bien compris. Sur radiodieu.org et radioageuse.net. Pourquoi mettre les feux anti-brouillard? Mon petit chat. Bonjour, mon yéton. Comment qu'est-ce que tu fais? Écoute, je t'appelais pour un problème technique. Ok, dis-moi. Je voulais savoir à quoi ça sert les feux de brouillard. Ça sert à boire dans le brouillard. Ok, et du coup, tu les mets quand? Tu les mets quand il y a du brouillard. Alors ça doit servir à être vu par les autres, j'imagine. Et quand est-ce qu'on les met? Bah, quand il y a du brouillard. Quand il y a du brouillard. Ça sert à éclairer le bas de la route quand il y a du brouillard. Je sais pas, en fait, je dirais ça. Ou est-ce qu'on voit mieux? Et tu les mets pas quand il pleut, attention. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça éblouit. Pas quand il pleut et pas quand il neige, je crois. Je sais plus. Je sais pas, parce qu'en fait, je l'ai jamais. Quand il y a du brouillard. Surtout jamais quand il pleut. Pourquoi? Bah parce que ça éblouit. Le brouillard, ça éblouit pas. Le brouillard, ça éblouit pas. Voilà. C'est ça aussi qu'on doit retenir. Et merci à tous les potes mécaniciennes pour ces réponses très éclairantes. Très éclairantes. Ouais, c'est quand il y a des brouillards, on a besoin d'éclaircir nos pensées. C'est ça. Tout à fait. On arrive bientôt à la fin de l'émission. Ouais. Et du coup, on dit au revoir maintenant peut-être. Ou on revient après. Comme vous voulez. Moi, je voulais présenter la chanson qui va suivre. C'est la dernière chanson qu'a écrit Amy, qui est une amie qui nous a mis dans le brouillard il n'y a pas si longtemps. Et voilà, maintenant, Amy brille pour toujours. Voilà. Slept a week. I walked the floor and washed the door. I'm in between, I drink. We'll be right back. watch the door. And in between I drink your blood. I'm talking to the shadows. 1 o'clock to four. Love is slow, the moments go. When my lightning is full, I'm talking to the shadows. 1 o'clock to four. And love is slow, the moments go. When the light do his part, yes, we are. In my head, in my mouth, in my hand, in my I've been slept the week. I walk the floor and watch the door. Je ne sais pas si vous avez compris avec tout le montage. Ça veut dire, on peut dire aussi au fuck, au fucking hell. Ça pourrait marcher. Mais en vrai, on voulait lancer une petite pensée à toutes les personnes qui sont quand même, comme j'imagine, comme tout le monde, de temps en temps dans le brouillard avec des pensées, en plus à ce moment-là. Et de se dire, voilà, il y a toujours un petit bout du ciel bleu qui va s'élever et enlever cette brouillard. Et force et courage à tous et toutes. On vous souhaite une bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. Et à très bientôt. À dans 2 semaines. À dans 2 semaines, oui. Bonne soirée. Merci.